loup saboteur aux yeux de crocodile. Veulent mon échelle, me souhaite la misère. Et voilà mon problème. Jaloux saboteur aux yeux de crocodile, veulent mon échec, et souhaite ma misère, et voilà mon problème. Aux yeux de crocodile, veulent mon échec, me souhaite la misère, et voilà mon problème. We'll be right back. We'll be right back.

talo koko koto luka ya bisali mota Mwana burwele Yoke yoka nisa mabazi yo mwana zai Allez, Abidjan, Abidjan, Abidjan, Abidjan, Abidjan, Abidjan,

Yo, de la jonquille, merci infiniment pour l'accueil. C'était Petit Bizet de la Société des Ambianceurs. Excellente fin de soirée à vous. Merci. Yo la jonquille, excellente fin de soirée à vous, merci beaucoup, à plus tard. Ciao, ciao.